Hey, salut Gaëtan. On y est. On y est. Ben, bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaëtan Gosselin qui est à la mise en onde, à la parole aussi, hein? Quand à on la lui, parole, quand, oui. Et quand on profite, lui donne. Quand on me la donne, et j'en profite pour souhaiter une bonne soirée à tous nos auditeurs, auditrices. OK, donc Jean-Pierre Gay aussi, puis bienvenue avec nous autres. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche soir. Vous savez, c'est KRL, c'est une radio dont la caractéristique depuis plus de, je ne sais pas combien d'années, depuis les années 60, en tout cas depuis 1973, ça a toujours été une radio qui a proposé à ses auditeurs, ses auditrices, des paysages sonores tout à fait différents, tout à fait exclusifs, que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Et nous, on fait partie. Gaëtan, c'est le fun que tous les deux, on fasse partie de cette espèce d'expérience, que c'est qu'on s'inscrive tous les deux dans cette tradition de CKRL, de proposer aux auditeurs des paysages sonores qui soient complètement autres. On fait une radio qui est un peu marginale, je dirais, à cet égard-là, parce qu'on n'a pas l'occasion, sur d'autres chaînes, sur plein d'autres chaînes, d'entendre ces sonorités à la fois inspirées des traditions musicales, mais d'autres fois inspirées de démarches technologiques essentiellement. Alors, c'est vraiment une ouverture puis une perspective là qui est unique. On va en profiter pour un peu se vanter, mais je crois que c'est la réalité. Et tant qu'à être unique, ce soir, dans le cadre de cette émission qui vise l'art sonore, on a voulu tous les deux, et d'ailleurs à ta suggestion, Gaëtan, on a voulu donner la parole, ou la parole, c'est une façon de parler, on a voulu donner le micro, la machine, aux femmes, à des femmes qui ont fait, et on va faire deux émissions, une première ce soir qui va porter sur ces femmes qui sont des pionnières dans l'univers de l'art sonore, puis on en fera une autre plus tard sur d'autres femmes plus actuellement. Donc, on commence avec ça aujourd'hui. Oui. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que le menu est très, très vaste parce que, bon, c'est un univers où on a l'impression qu'il y a uniquement des gars qui font de l'art audio, oui, de l'art sonore, alors qu'on réalise que la contribution des femmes va être très, très importante à partir du début du siècle. Et, bon, ce soir, on a fait un choix. C'est comme une mise en situation. Puis, on va, évidemment, au cours de la saison, peut-être revenir sur des propositions de femmes qui ont travaillé dans le secteur des arts audio, de la musique électroacoustique, puis qui sont vraiment des pionnières dans leur domaine, mais dont on ne reconnaît pas, ou en tout cas on ne trouve pas facilement, je dirais, les références. Les traces là sont un peu éparpillées, souvent oubliées, mais elles existent. Alors c'est ça qui est important. Ben Gaëtan, on va commencer par quelqu'un que tu as trouvé, que tu as découvert, Hildegarde Westerkamp. Oui, une artiste canadienne. On a dit qu'on choisissait des femmes artistes nées avant les années 60. Mm-hmm. Alors, Hildegarde, c'est une musicienne, une compositrice qui va joindre au groupe de Raymond Schaffer à Vancouver, ce compositeur qui s'intéresse aux sonorités ambiantes et puis à l'écologie sonore. Et puis Hildegarde Westerkamp va travailler avec eux dans cet univers qu'on va appeler de l'écologie sonore, et plus particulièrement dans la veine du paysage sonore, donc de la captation en direct, ce qu'on appelle sous l'intitulé anglophone le field recording. Alors ce soir, on fait entendre deux extraits, on enchaîne deux extraits d'un album qui s'appelle Into India, qui est un album qu'elle a réalisé sur une dizaine d'années et où elle a capté ce qu'elle appelle l'intensité des relations humaines sur le territoire indien. Alors, de belles sonorités chaudes, de belles sonorités du sud-est asiatique. Bien, on y va. Thank you.

Ben, c'était Hildegard Westerkamp. Oui, Hildegard Westerkamp. Dans un univers sonore inspiré des grandes villes indiennes et qui nous propose un parcours qui est comme un enchevêtrement de sonorités, de liens entre les personnes et qui induit toute cette préoccupation pour ce qu'on appelle le paysage sonore, mais aussi la préoccupation écologique et humaine reliée à la sonorité ambiante. Donc, Hildegard Westerkamp fait aussi partie de toute cette catégorie d'artistes sonores ou audio qui sont aussi préoccupés par le phénomène de l'écoute. Et c'est des artistes qui adhèrent à ce qu'on appelle le deep listening, cette écoute particulière là qui est concentrée sur des particularités de la trame sonore et non seulement celle qu'on écoute à la radio, mais de la trame sonore ambiante dans la vie quotidienne. Ben moi, celle que je te présente, c'est curieux, c'est intéressant ce qu'on fait comme travail, Gaétan, parce que on arrive chacun avec nos propositions et qui sont pas nécessairement toujours dans la même lignée, mais qui sont toujours de, en tout cas, il y a un certain lien. Moi, ce que je te propose, c'est Joël Léandre, qui est une artiste qui est née en France, qui a beaucoup travaillé ici au Québec et qui est une contrebassiste et qui improvise et qui aime, dans le fond, révéler à travers l'improvisation ce qu'elle est. Et elle a travaillé avec toutes sortes de monde, incluant John Cage. Elle a fait 115 disques, cette femme-là. C'est donc une espèce de pionnière qui a fait sa trace au Québec parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des Québécois. Donc ce que je te propose, c'est un travail d'elle sur un disque qui s'intitule Tricotage, qui a été produit en 1999 ici au Québec. Dont la première pièce s'intitule « Les tricoteuses » et qui est donc une espèce de clin d'œil de cette femme française qui est venue vivre ici au Québec et qui a participé, qui a travaillé, qui a coopéré avec plein d'artistes d'ici et qui nous propose une œuvre qui fait un salut à des femmes qui exercent un métier ou une pratique très québécoise, les tricoteuses. Thank you. C'était vraiment... écoute, on est dans les années 70. Hein? Cette femme-là avait déjà cette préoccupation-là de faire jouer tous les petits bruits puis les percussions. En tout cas, c'est ça. Tout à fait. Puis dans un volet thématique qui est très contemporain de cette époque-là où beaucoup de femmes travaillaient dans l'industrie du textile, une industrie qui est un peu disparue, mais qui est tout de même, qui a fait sa marque au Québec. C'est vraiment guettant. Guettant, c'est vraiment ce que je voulais dire. Alors, écoute, on enchaîne avec Helen Fullman. Oui. Alors, oui. Une artiste américaine, une compositrice qui s'est particulièrement distinguée par la construction d'un instrument sonore qui s'appelle le long instrument. Ça s'appelle le long instrument à cordes. Alors, c'est une douzaine de cordes qui sont tendues dans une pièce relativement vaste. Là, on parle d'une pièce qui fait entre 50 et 70 pieds. Donc, un jeu d'une douzaine de cordes qui sont enduites de résine. Et Fullman performe au travers cet écheveau de cordes sensibles. Il se déplace et actionne les cordes avec son corps, avec ses hanches, avec ses mains, et pour produire une sonorité qui, étrangement, fait penser à un travelling au cinéma. Donc, la sonorité démarre et il y a cette longue sonorité qui va rappeler dans les musiques plus électroniques les drones puis les longues tonalités. Et là, on a une ambiance de musique, c'est-à-dire d'instruments classiques, mais dans une perspective là, de mouvement. Et il faut dire que Fullman, c'est aussi une artiste qui est une performeuse. Donc, le long instrument, il a été présenté dans beaucoup d'événements sonores et puis présenté dans plusieurs musées américains. Alors, on écoute une pièce qui s'appelle Event Location Number 2. Oui, alors, qui est issue d'une performance live. Écoute, Gaëtan, je vais enchaîner rapidement avec notre prochaine invitée, qui est Danielle Palardy-Roger, une femme qui faisait partie de la belle gang d'Ambiance Magnétique, qui travaillait à la batterie et qui a fait toutes sortes de... et qui travaillait aussi beaucoup avec sa voix. Alors, je vous laisse avec une œuvre d'elle dont je ne voudrais pas trop amputer sur le temps, qui s'appelle Garagonia Lulululu. C'est une belle œuvre sonore, vocale. Garagonia. Garagonia. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, favorisez le droit à l'expression. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec le California Guitar Trio et Tony Levin. Renommés pour leur prouesse musicale, c'est accompagné du prolifique Tony Levin à la basse que le trio de guitaristes nous offrira des airs passant du jazz au classique et à la musique du monde. Le 29 janvier, vivez la musique à son meilleur avec le California Guitar Trio et Tony Levin. Détails au palaismontcalm.ca. L'événement Patrimoine vivant au goût du jour est l'occasion idéale pour découvrir autrement le patrimoine vivant. musique traditionnelle électroacoustique ou encore avec une ambiance free jazz, les frontières musicales s'élargissent grâce à la fougue de nombreux artistes de Québec. Un rendez-vous les 23, 24 et 25 janvier, programmation complète sur le site du Musée de la Civilisation. Patrimoine vivant au goût du jour est organisé par le Centre de valorisation du patrimoine vivant avec l'aide financière de l'Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Voix aux multiples couleurs et instruments d'époque. La musique ancienne, un foisonnement de sonorités. Continuo, un rendez-vous avec l'émotion. Le dimanche, de 9h à midi, à CKRL, une invitation de Denis Grenier. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Dans la nature. Ben c'était Diane Labrosse avec un paquet de vieux complices dans le domaine de l'art sonore, comme Jean de Rome, comme Martin Tétrault, comme Michel F. Côté. Donc, tous les fous sont dans la nature. C'est un peu nous autres, ça, mon ami Gaëtan. Je pense que oui. Je pense que oui, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est aussi, je dirais, là aussi, une expression de cette diversité qu'on retrouve dans l'univers à la fois sonore, audio, musical et compagnie. Ben, parlant de diversité, une qui est vraiment qui était aussi dans cette belle gang là de Rome, Tétrault et tout ça, Joanne Etu, qui nous propose de tirer d'un disque d'ambiance magnétique qui était une étiquette assez particulière qui proposait dès les années 80 plusieurs explorations sonores. Alors voici tiré donc d'ambiance magnétique, Joanne Etu, une pièce qui s'appelle Ange. Alors là voilà. Thank you. Particulier, hein? Oui, c'est méditatif. Oui, ben c'est ça. L'art sonore, ça se promène un peu partout. En passant, merci à ceux qui nous appellent, entre autres Richard qui vient de nous appeler. Gaëtan? Oui. Ta prochaine, c'est Geneviève Calame. Geneviève Calame. Et ça, je pourrais dire que c'est une découverte. C'est une compositrice de musique, je dirais, au départ, comme beaucoup d'artistes sonores de cette génération-là. Ouais. Elle est née en 1946, elle a fait des études classiques, mais elle va rapidement bifurquer dans l'univers des sonorités électroniques. Et elle va... c'est une artiste d'origine suisse qui va travailler en Suisse et qui va participer à la création du studio d'expérimentation sonore de Genève. Et elle va vraiment travailler avec les technologies. Et tout son savoir-faire va se déployer autour des années 70 avec les technologies de l'époque qui émergent. Évidemment, on a parlé dans les émissions antérieures de l'utilisation des générateurs de fréquences et puis des nouvelles machineries électroniques qui apparaissent. Et il y a la vidéo aussi qui est dans le portrait. Et Calame va être parmi les premiers explorateurs de l'image façonnée par le son. Et elle va créer une œuvre qui s'intitule Fluide et qui est une vidéo qui est totalement imaginée, construite et générée par les sonorités électroniques qu'elle va mettre en branle. Alors, on écoute une pièce intégrale qui s'intitule Fluide de Geneviève Calame. Thank you. Gaétan, des fois, là, si on pouvait avoir 2 heures d'émission, c'est sûr qu'on se rendrait à un peu plus tard, là, mais c'est le genre de pièce qui mérite qu'on se rende jusqu'au bout, mais qui dure pas mal plus longtemps que ça. Bon, voilà. Mais nous, l'objectif ici de cette émission, c'est d'espèce de présenter un peu l'ensemble de l'éventail de ce qui se passe dans le domaine de l'art sonore. Et donc, la prochaine, par exemple, Nathalie Derome. Nathalie Derome, c'est comme une espèce d'incontournable dans l'art sonore. Elle est là depuis le début. Elle fait de la chanson, mais qui est une chanson un peu particulière, qui est une chanson qui est engagée, qui est très théâtrale. Ben écoute, je fais fi de la présentation. Voici une pièce qui s'intitule tout simplement « Esti que belle ta peau » de Nathalie Derome. Astique et belle ta peau bien astiquée, justiquée-tu, asti, elle m'aimante, m'alimente, elle m'aimante, m'alimente. Astique et belle ta peau bien astiquée, justiquée-tu, asti, elle m'aimante, m'alimente, elle m'aimante, m'alimente. Tellement ta dans le cerveau, des sillons nouveaux. Il ne s'agit plus que d'un seul et même mouvement. Nous sommes nous-mêmes ce que nous expérimentons, friables et sans intermédiaire. La buée à la fenêtre de l'infime contribue à notre désir farouche. Le secret ne finit pas. Plus nous gardons silence, plus notre langue s'essouffle. Nous jouons à nous manifester. Nous exprimons la réalité verte, jaune et rose des oiseaux qui immigrent. Hop là! Nous sommes là! Astiquée belle ta peau bien astiquée, justiquée-tu, asti, justiquée-tu, asti, elle m'aimante, m'alimente, elle m'aimante, m'alimente. Pira-pipa-pipam, pira-pipa-pim, pira-pipa-ripam, pira-pipa-ripam, pira-pipa-ridam, pira-ridam, bari-bari-bam. L'art sonore, hein, c'est pas, c'est, ça peut être tout plein de possibilités. C'est ouvert. Tu sais, Gaétan, on le sait, le mois multi s'en vient. Hein? Puis le mois multi, c'est une occasion où on peut rencontrer toutes sortes de propositions. Évidemment, plus qu'en art sonore. Mais c'est une belle occasion, entre autres, pour les gens qui aiment vivre des expériences différentes, de se retrouver dans un, dans, dans un univers où ils sont constamment, que, où leurs repères sont, sont un petit peu bousculés. On voit avec la musique de Nathalie Derome que ça nous rappelle que l'art sonore est pas trop austère, puis très souvent très joyeux. Et ça nous interpelle parce que je dirais que ça interpelle nos meilleurs côtés parce que c'est chaleureux, parce que c'est enveloppant et que ça nous mène ailleurs. Parlant de, ouais. de nous mener ailleurs, Marcel Deschênes. Marcel Deschênes. Ça aussi, ce soir, c'est pour moi vraiment, c'était cette semaine une découverte là, dans nos recherches qu'on a fait, toi et moi. C'est une compositrice de musique électroacoustique. C'est une femme qui naît en 39. Puis je tenais à souligner tout de même parce que c'est des artistes en 39, qui ont... En 39. Là, on parle de quelqu'un qui a du millage. Oui, quelqu'un qui a un parcours vraiment très impressionnant. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est un nom que je n'avais pas vu passer énormément. C'est une femme qui a travaillé, qui a côtoyé des gens comme Pierre Schaeffer, qui a fait des sessions intensives de travail au studio d'essai avec le GRM, le groupe de recherche musicale développé par Schaeffer. Donc, quelqu'un qui a fait vraiment de l'expérimentation musicale, d'expérimentation sonore et musicale, on va dire les deux, et qui... finalement, c'est vraiment démarqué. Ça a été quelqu'un, là, quand on parle des pionniers, de pionnières, dans le cas de Marcel Deschênes, c'est vraiment le cas. C'est un parcours à la fois performatif, c'est un parcours de composition, c'est un parcours de recherche et évidemment un parcours d'enseignement. Et c'est un corpus d'œuvres qui est assez impressionnant et qui va laisser sa marque. Alors... peut-être sans plus tarder, Jean-Pierre? Ben Gaëtan, c'est une belle découverte parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de cette personne-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que cette émission permette à cette femme-là qui a quand même un parcours qui date d'un certain nombre d'années, bien, qu'on puisse en témoigner aujourd'hui, ce soir. Ça nous permet de faire le pont entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'art sonore à une autre époque, la musique électroacoustique, et de faire entendre des découvertes. Alors, qu'est-ce qu'on fait jouer? Alors, c'est Petit Big Bang. Let's go! Thank you. Désolé, Gaëtan, qu'on coupe cette belle pièce. Mais je voulais qu'on finisse ce soir avec une championne, une dame importante dans la diffusion puis dans la création de l'art sonore, Hélène Prévost. Hélène Prévost, qui dans le temps où Radio-Canada avait une émission, avait une chaîne culturelle, où elle avait une émission qui s'appelait Le Navire Net et qui s'appelait auparavant Musique Actuelle, et qui a été probablement la femme la plus importante dans la diffusion de ça, bien avant nous, Gaëtan, bien avant ce qu'on a fait ici à CKRL. Et moi, j'ai eu l'occasion de la recevoir il y a quelques années, et je pense qu'on ne pouvait pas fermer cette émission sans parler d'Hélène Prévost, de cette grande dame de la diffusion et de la création en art sonore. Alors, on va se laisser avec une pièce d'elle qui est une création. Elle aimait beaucoup faire ce qu'on appelle du field recording. Donc, elle enregistrait, entre autres, dans sa cuisine. Ce qu'on va entendre, Gaëtan, là, c'est des bruits, des sons de sa cuisine alors qu'elle revient. C'est une pièce qui s'intitule tout simplement « Voir dans le sac ». Il y a un sac à marchandises, puis elle revient, puis tout ça. Alors, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Gaëtan, d'avoir... Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine. Bye-bye. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Ne dis pas que j'ai tort, surtout ne dis pas que c'est doux. Laisse le feu qui dort, surtout ne parle pas de nous, ne parle pas de toi. 89.1 Québec. Ni de tes instincts de juillet. Laisse faire la soie, ce beau rêve à tes poignets. Vous écoutez CKRL 89.1, cultive tes goûts. Surtout ne dis pas que tu m'aimes. Surtout ne dis pas que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Sortez vos trompettes et vos ceintures fléchées, Bonhomme s'invite à la Ninkasi. Le vendredi 13 février, MR Événement vous convie à sa dégustation de bière et de saveurs carnavalesques. Les bouchées seront une